corps en décomposition, enveloppé dans une couverture, est déposé sur la banquette arrière d'une petite Renault stationnée dans une rue de Paris. Ainsi a fini l'actrice Jean Seberg, la mystique Jeanne d'Arc d'Otto Preminger ou la radieuse vendeuse de journaux américains d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Mais si j'ai choisi aujourd'hui d'évoquer cette actrice, c'est à la lumière des événements de Ferguson et des manifestations qui ont suivi la mort d'un jeune noir. Jean Seberg a en effet milité activement en faveur du mouvement noir aux États-Unis et elle en est sans doute morte. Le 10 septembre 1979, deux jours après la découverte de la dépouille de son ex-femme, l'écrivain Romain Gary convoque une conférence de presse. Il met en cause le FBI américain qui, à force d'harceler et même calomnier Jean Seberg, serait directement responsable de sa mort. L'actrice se serait donc suicidée pour en finir avec cette hostilité de l'agence fédérale américaine. Et si l'action contre Jean Seberg est bien réelle, son suicide paraît pour le moins trouble. C'est en tout cas l'opinion de Monsieur X qui ouvre ce dossier. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Je vais bien sûr évoquer longuement l'action du FBI contre les mouvements noirs apparus dans les années 60 aux États-Unis. Et on a l'impression que l'inamovible patron de l'agence fédérale, Edgar Hoover, a conduit là une sorte de croisade personnelle où tous les moyens étaient bons pour lutter contre les leaders noirs de l'époque. Et comme Hoover le disait lui-même, pour les neutraliser. Mais parfois physiquement. Hein. Ah, tout à fait. Oui. Mais aujourd'hui, je vous propose d'abord de nous intéresser spécifiquement au malheureux cas de Jean Seberg. Et pour bien comprendre le destin tragique de l'actrice, il faut voir par le menu quelles ont été sa vie et sa carrière. Vous vous souvenez de cette petite actrice menue, aux cheveux blonds, coupés courts, qui couronnait un visage angélique aux traits très fins. Oui, bien sûr. Et en Europe, c'est Jean-Luc Godard qui l'a lancé. Hein. Oui, avec ce film estampillé Nouvelle Vague à bout de souffle. Mais le vrai découvreur, si j'ose dire, de Jean Seberg, c'est Otto Preminger. Et ce n'est pas une histoire banale. Je vous raconte. À l'automne 1956, la jeune Seberg, 17 ans, vit dans une petite ville de l'Iowa. Ouais, c'est un état du Middle West. Hein. Ses parents y tiennent un drugstore. Donc une famille modeste. Et surtout très puritaine. Les Seberg, d'origine suédoise, sont religieux. Et la jeune fille a été durablement marquée par le puritanisme de sa famille. En 1956, le grand Otto Preminger prépare un film sur Jeanne d'Arc, mais il n'a pas encore trouvé l'actrice qui interprétera Jeanne. Car il ne veut pas employer une actrice hollywoodienne connue. Par conséquent, la production organise un gigantesque casting. 18 000 candidates se présentent. Et parmi elles, donc, Jeanne Seberg. Qui n'a pour seule expérience que d'avoir fait un peu de théâtre dans son collège. Ouais, autant dire, pas grand-chose. Hein. Mais Preminger est fasciné par son visage aux traits si purs. La jeune fille est donc choisie. Mais l'expérience va être rude. Preminger est un véritable tyran. C'est d'autant plus éprouvant pour Jean que l'épreuve dure 2 ans. Car après le tournage de sa Jeanne d'Arc, qui sera d'ailleurs un gros échec commercial, Preminger enchaîne avec un second film, toujours avec son héroïne. Une adaptation de Bonjour Tristesse, le premier roman de Françoise Sagan. Je crois que c'est un film qui fera un nouveau bide. Hein. Absolument, oui. Mais la Jeanne Seberg, elle, sentira plutôt bien. Son regard angélique et sa coupe de cheveux à la garçonne enthousiasment les jeunes réalisateurs français de la nouvelle vague. Rivette et Truffaut y vont de leurs compliments dithyrambiques dans plusieurs articles. La jeune actrice incarne un nouveau modèle de star, à l'opposé des capiteuses vedettes féminines d'Hollywood. Heureusement pour elle, car elle est ressortie très éprouvée de ses 2 années de travail avec Preminger. Car disons-le tout de suite, Jean est une jeune personne psychologiquement très fragile. Bon, on en aura plus tard maintes preuves. Donc les 2 tournages avec Preminger n'ont rien arrangé. Ah, c'est certain. Car le célèbre réalisateur n'a rien fait, bien au contraire, pour lui donner confiance en elle. Et si elle a réussi à surmonter la dépression qui la menaçait, c'est grâce aux encouragements de ses jeunes admirateurs français. Ouais, mais concrètement alors ? En 1959, elle écrit à Truffaut, dans un français assez approximatif, pour le remercier de son article et surtout pour le féliciter. Elle a beaucoup aimé son premier film, Les 400 coups. Seberg, égérie des cinéastes de la Nouvelle Vague, décide donc de s'installer à Paris. Elle vient d'ailleurs d'épouser un avocat d'affaires français, François Moreuil. Oui, c'est un homme que j'ai croisé car il va bientôt s'orienter vers le cinéma et la télévision. En effet, Moreuil permet à sa jeune épouse de renégocier son contrat d'exclusivité avec Preminger et la Columbia. Et surtout, il lui fait rencontrer Jean-Luc Godard qui prépare son premier long métrage. Ce sera donc à bout de souffle. Hein. Et ça tombe bien. Car il recherche une jeune américaine pour interpréter celle qui donnera la réplique à Jean-Paul Belmondo. Jean est donc engagée et le film qui sort en mars 1960 obtient d'emblée un énorme succès. Et c'est en particulier dû au jeu de Jean Seberg. Hein. Oui, qui donne l'image d'une jeune femme libérée, d'une grande modernité à laquelle toute une génération de jeunes filles veut ressembler. Oui, avec la mode des cheveux courts. Ah, un vrai phénomène de société. Et avec Godard, alors, comment ça s'est passé ? Parfois difficilement. Mais c'est surtout le tournage à la française qui a déconcerté la jeune américaine. Enfin, peu importe. Avec Godard, Jean a sans doute participé au meilleur film de toute sa carrière. Et la suite alors ? En 1961, elle tourne 3 films en France qui ne laisseront guère de souvenirs. Enfin, faisons un petit retour en arrière. Un soir de décembre 1959 à Los Angeles, Jean fait partie des invités du consul français. Et c'est Romain Gary. Qui est en poste là-bas depuis plusieurs années. Gary, qui a 45 ans, est surtout un écrivain célèbre. Ah bah, il a déjà obtenu le prix Goncourt. Hein. Vous le savez, il en obtiendra un 2e sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Mais Gary, c'est aussi un homme qui s'est conduit avec courage pendant la Seconde Guerre mondiale. Compagnon de la Libération, il est resté fidèle au général de Gaulle, à qui il envoyait scrupuleusement tous ses ouvrages. Et parallèlement, il exerce donc une fonction de diplomate. D'abord à l'ONU, puis à partir de 1956, en tant que consul général de France à Los Angeles. Autre point important, Gary connaît bien Hollywood, en particulier grâce à son épouse Leslie Blanche, une auteure très connue qui a travaillé avec George Cukor. Ouais. Au consulat, on a par conséquent l'habitude de recevoir des célébrités du monde du cinéma. Oui, donc ce soir de décembre, la jeune Jean Seberg fait partie des invités. Et entre elle et l'écrivain consul, c'est le coup de foudre. Malgré la différence d'âge. Oui, et aussitôt, Gary est touché par cette jeune femme aussi naïve que sensuelle qui lui voue, dès le début de leur liaison, un attachement total. Et même presque effrayant par son intensité. Quoi, c'est quoi, un attachement quasi filial ? Oui, vous avez raison. Gary est sans doute devenu pour elle un père de substitution. Car même après leur séparation, au bout de 8 ans quand même, l'écrivain ne cessera jamais de s'occuper d'elle et de lui venir en aide lorsqu'il le faudra. Quand ils se rendent compte, là, Seberg est marié, Gary également. Et l'épouse de ce dernier ne veut consentir au divorce que contre le versement d'une somme faramineuse. Mais un événement inattendu va précipiter les événements. Jean tombe enceinte. Pour la jeune femme élevée dans une famille puritaine, il est hors de question de donner naissance à un enfant dont le père est un homme marié. Elle presse donc Gary de l'épouser, menace même de se suicider s'il ne divorce pas. Puis il y a sans doute la pression des parents de Jean qui fustigent la conduite de leur fille, d'autant qu'une gazette locale fait état de la vie dissolue que mènerait Jean. Ouais, c'est le déshonneur assuré. Oui, et la naissance du petit Alexandre Diego demeurera secrète tant que le mariage n'aura pas été célébré. Et Jean, de son côté, là. Oh, elle se sépare au plus vite de son mari français. Ouais. Quand Jean et Romain se marient-ils ? En octobre 1963, en Corse. La presse people de l'époque les compare au couple Grass-Kelly et Régnier de Monaco. Faut noter au passage que Jean a bien changé. La jeune vendeuse de journaux américains est oubliée. Désormais, l'actrice ne s'habille que chez les grands couturiers et pilote une Jaguar. On doit aussi observer que peu de temps avant leur mariage, les deux amants ont été conviés par les Kennedy à la Maison-Blanche. La conversation a longtemps tourné autour de la ségrégation des 17 millions de Noirs états-uniens. Ouais, une cause qui tiendra toujours à cœur à Jean. Et comment le couple va-t-il évoluer, hein ? En dehors même de la question de la différence d'âge, ils semblent souvent mal assortis, même si tous les deux sont psychologiquement instables. Gary, par exemple, est sujet à de fortes crises de mélancolie. Puis il y a aussi les disparités culturelles. La petite jeune fille du Middle West n'a pas fait d'études. Or, avec Gary, que ce soit aux États-Unis ou en France, elle vit dans une société cultivée. L'écrivain doit donc être son pygmalion. Ouais, et faire son éducation, en somme. Hein. Oui, mais ça ne va pas sans heurts. Et lorsqu'ils reçoivent ou sont invités, la jeune femme reste silencieuse. Elle a peur de dire des bêtises. Exactement. Et par ailleurs, l'un et l'autre n'ont pas les mêmes goûts. Jean a envie de s'amuser, aller danser dans les boîtes, écouter du jazz, tout ce que Gary déteste. En outre, de plus en plus souvent, Jean a tendance à abuser de l'alcool et des médicaments. Ça, c'est un cocktail dangereux. Et dont, malheureusement, Jean Seberg usera trop souvent tout au long de son existence. Ce que Gary aura beaucoup de mal à supporter. Donc, le couple se défait peu à peu. C'est évident. Mais Jean est aussi une inspiratrice pour son mari d'écrivain. On la retrouve masquée, bien sûr, dans plusieurs romans, comme par exemple Les Mangeurs d'étoiles, l'histoire d'une petite Américaine naïve, pétrie de bons sentiments, qui se précipite pour venir en aide à tous les opprimés. Ouais, tout à fait, Jean Seberg. Hein. Gary écrit aussi une nouvelle, Les oiseaux vont mourir au Pérou, dont il fera le premier et unique film qu'il réalisera. Et Jean, il tiendra le rôle principal. Hein. En cadeau, oui. Car son mari essaie autant que possible de soutenir une carrière cinématographique qui n'est pas aussi brillante qu'elle pourrait être. Sans doute parce que l'actrice consacre de plus en plus de temps à lutter contre les inégalités raciales. Un combat qui va lui coûter très cher. Dominique Bonnat, dans son ouvrage « Romain Gary » paru en 1987, brosse ce portrait délicat de Jean Seberg. Je cite « Tendre, d'une sensibilité exceptionnelle que la vie n'a pas polie et qui reste aussi aiguë que celle de la petite fille, Jean Seberg éprouve d'instinct pour tout ce qui souffre une pitié que rien ni personne ne sait apaiser. Devant l'injustice et la souffrance, aussitôt révoltée, bouleversée au plus profond de son être, elle part en croisade, à sa manière. Elle recueille les chiens, les chats, les oiseaux blessés. Elle ouvre sa maison aux hippies, aux clochards, aux vagabonds. Un soir, elle offre son vison à un chauffeur de taxi qui se plaint de gagner trop peu pour qu'il en fasse cadeau à sa femme. Car elle ne prête pas, elle donne. C'est la fille la plus généreuse du monde. D'où vient l'engagement de Gene Seberg? Il est ancien. C'est-à-dire qu'à la différence de certaines stars qui ont soudainement découvert la cause de Noir pour se faire de la publicité, Seberg est sincère. Dès l'âge de 14 ans, malgré le désaccord de ses parents, elle est devenue membre de la NAACP, le Mouvement National de Promotion des Gens de Couleur. Oui, il s'agit de la plus ancienne association de défense des Noirs. Hein. Oui, celle qui a obtenu en 1954, devant la Cour suprême, la fin de la ségrégation dans les écoles. Dans sa petite ville natale, Jean, adolescente, n'hésite pas à passer de l'autre côté de la voie ferrée où sont parquées les familles noires. Cependant, elle agit ainsi sans ostentation. Actrice confirmée et célèbre, elle restera toujours en retrait, ne prendra pas la parole dans les meetings, par exemple. Elle est discrète. Et modeste. Et pourtant, elle va financer généreusement le parti des Black Panthers. Un mouvement radical. Oui, dont nous reparlerons. Première conséquence, à partir de la fin des années 60, Seberg devient une cible pour le FBI. Elle est filée, mise sur écoute. On exerce même une surveillance sur ses comptes en banque. Ah ben à cause des dons qu'elle fait aux Black Panthers. Des sommes considérables, des milliers de dollars. En même temps, la villa qu'occupe le couple Gary à Los Angeles devient un lieu de réunion pour les militants noirs. Appartenant aux Black Panthers? Ah, pas seulement. De nombreux comités, certains bidons voient le jour. Il s'agit clairement d'estorquer de l'argent à une Jean Seberg aussi généreuse que naïve. Et l'action de Gary, alors? Il désapprouve, bien sûr, et le couple commence à sérieusement battre de l'aile. D'autant que la jeune femme s'entiche d'un homme qui se fait appeler Hakim Abdullah Jamal, mais qui en réalité se nomme Alan Donaldson. Ouais, et qui est celui-là? Ce pseudo Jamal est le chef de l'organisation Malcolm X. Ouais, mais du nom du leader noir assassiné quelques années plus tôt. Hein. En 1965, exactement. Le mouvement qui porte son nom, né de la fusion entre deux autres organisations, a pour ambition de créer un État noir. Sur le territoire états-unien? Oui, essentiellement dans les États du Sud. Alabama, Georgie, Louisiane, Mississippi et Caroline du Sud. Jamal tire sa légitimité du fait qu'il a épousé une lointaine cousine de Malcolm X. Après une jeunesse très agitée, il s'est converti à l'islam. Ouais. Et il est devenu chef. En fait, c'est un psychopathe qui a décidé de se faire de la publicité en se servant d'une cause estimable, celle de l'émancipation des Noirs. Ce type est violent, hableur, voleur et drogué. Oui, mais Gene Seberg apparemment est tombé sous son charme. Et c'est vrai que cet homme grand et mince n'en manque pas. Lors de leur rencontre à bord d'un avion de ligne, Jamal prétend qu'il collecte des fonds pour reconstruire une école sans haine pour des enfants noirs dont l'établissement scolaire a été ravagé par un incendie en octobre 68. Et il joue sur la sensibilité de l'actrice. Évidemment. Touchée, Jean Seberg ouvre immédiatement son carnet de chèques. Au total, elle lui donnera quelque 200 000 dollars selon un rapport de surveillance du FBI. Est-ce qu'ils deviennent amants? Oui. Jean est tombée passionnément amoureuse. De façon très cynique, il faut reconnaître que Jamal a fait une excellente opération. Car non seulement Jean lui donne de l'argent, mais elle s'occupe de sa sécurité en l'aidant à fuir la Californie où, dit-il, il est recherché et se trouve même en danger de mort. Et lui, alors, est-il amoureux? On peut en douter si l'on en juge par les mauvais traitements qu'il lui inflige. Mais la jeune femme subit, sans protester. Jeune fille blanche élevée dans le puritanisme, elle y voit une juste punition. Oui, à partir de là, on est en droit de s'interroger sur sa santé mentale. Hein. Vous avez raison. Et le premier à s'en rendre compte n'est autre que Romain Gary. Il est bien conscient du danger que court sa femme, victime d'un homme qui n'est pas moins mentalement dérangé qu'elle. Oui, mais que peut faire l'écrivain? En dépit des folies de son épouse, il continue à l'aider autant qu'il le peut. C'est dans ce contexte douloureux que le couple apprend l'assassinat de Martin Luther King en avril 1968. Une tragédie qui provoque de violentes émeutes dans la capitale fédérale. À tel point que les autorités de Washington décrètent un couvre-feu. Peu après, le couple Gary Seberg est invité dans la villa de Robert Kennedy à Malibu. Jane tente de persuader le candidat à la Maison-Blanche d'intercéder en faveur du mouvement noir. Mais Kennedy lui conseille de rester tranquille. Ce qu'elle va faire ? C'est mal connaître Jane Seberg qui continue à fréquenter les dirigeants des Black Panthers. Mais en juin 68, alors que Gary se trouve à Paris, où il a voulu observer de ses propres yeux la révolte étudiante, il reçoit un appel affolé de Jean. Elle ne veut plus dormir chez elle, car elle a reçu des menaces de mort et des coups de fil anonymes. « La prochaine fois, salope, ce sera ton tour. Ne viens pas te mêler de nos affaires, salope blanche. » Des coups de fil qui auraient pu être passés par des extrémistes noirs. Il semble, oui. D'autre part, dit-elle, une roue de sa voiture a été dévissée et deux de leurs chats ont été empoisonnés. Ouais. Y a-t-il un fond de réalité derrière tout ça ? Certainement. Mais Gary sait aussi qu'il faut tenir compte de l'état paranoïaque de son épouse. C'est aussi le moment où Jean Seberg déclare être lassée de son métier d'actrice. Et ce n'est sans doute pas sans rapport avec ce qui s'est passé lors de son dernier tournage. C'est-à-dire quoi ? Elle s'est amourachée de son partenaire, Clint Eastwood. Les deux acteurs ont eu une brève amourette qui a été révélée par la presse. Et ça a rendu Romain Gary fou furieux. Alors qu'il avait, semble-t-il, accepté sans faire d'esclandre sa liaison avec Jamal. Mais on n'en avait pas parlé dans la presse. En tout cas, Gary est allé provoquer Eastwood en duel. Toutefois, sagement, l'acteur n'a pas donné suite. Le duel n'a pas eu lieu. Mais manifestement, le couple Gary Seberg ne peut plus continuer ainsi. Fin 1968, ils sont tous les deux décidés à divorcer. Et la procédure est bientôt engagée. C'est alors que Jamal réapparaît dans la vie de l'actrice. Début 1969, il débarque à Paris dans l'appartement de la rue du Bac où le couple réside. Et que veut-il ? De l'argent, comme d'habitude. Et Seberg, alors, lui en donne ? Parfaitement. Et Jamal repart aux États-Unis. La suite est assez accablante. Le dirigeant noir tue un policier à Détroit. Arrêté, il est libéré pour vice de procédure. Aussitôt, Jean vient à son secours. Elle réussit à lui faire quitter les États-Unis. Puis elle le suit, notamment au Maroc. Mais quand elle est enfin de retour à Paris, elle sombre dans la dépression et doit être internée dans une maison de santé. Elle se plaint alors d'être persécutée par le FBI. Est-ce qu'il est vrai, non ? C'est incontestable. Nous allons bientôt le voir plus précisément. Mais il n'empêche que sa maladie mentale est aussi bien réelle. Et est-ce qu'elle peut encore exercer sa profession ? Elle tourne son dernier grand rôle dans une production américaine, Airport. Mais sur le tournage, elle s'ennuie. D'ailleurs, les films qu'elle tourne ne font plus guère recette et aux États-Unis, elle est régulièrement éreintée par les critiques. Une antipathie qui ne doit pas être étrangère à son engagement en faveur des Noirs, non ? C'est certain. Elle doit aussi faire face à une autre difficulté. L'épouse officielle de Jamal ne cesse de la menacer. Ça va même si loin que Romain Gary est obligé d'intervenir pour sommer l'épouse délaissée de laisser tranquille Jean. Ça montre en tout cas que les Noirs américains eux-mêmes commencent à la rejeter. Alors même que, toujours éprise de romantisme révolutionnaire, elle se donne tant et plus pour la cause et finance toujours autant les Black Panthers qui, avec son argent, louent des voitures et achètent même des armes. Et Jean Seberg, alors, ne se rend pas compte qu'on abuse une fois de plus de sa naïveté ? Il semble que non. Mais bientôt, sa situation va encore empirer. Et ce sera plus grave que les insultes et les coups que Jamal lui distribue. De quoi voulez-vous parler ? Un agent du FBI, spécifiquement chargé des groupuscules extrémistes, décide de se pencher plus sérieusement sur son cas et de faire en sorte qu'elle mette fin à ses activités. avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Romain Gary a lui-même consacré un ouvrage à cette période de sa vie et de celle de son épouse, le très beau Chien Blanc. Extrait. Il faut dire aussi que je suis de plus en plus exaspéré par le nombre de parasites qui gravitent autour de Jean. Tous les jours, des organisations, groupuscules se créent en marge de la lutte pour les droits civiques qui n'ont d'autre activité ni d'autre but que d'assurer la survie économique de leur comité directeur. Ils sont tous en position d'attente, prêts à accueillir la manne céleste qui doit tomber des diverses fondations et des autorités fédérales. Je n'ai jamais mis le nez dans les affaires financières de Jean Seberg. Mais j'observe, depuis mon arrivée, une bonne demi-douzaine d'escrocs et picaros éternels qui jouent à fond et gagnent en misant sur son double sentiment de culpabilité, celui de la vedette de cinéma, sans doute un des êtres les plus méprisés, parce que les plus enviés au monde, et celui de la luthérienne, cette apothéose du péché originel. Jean Seberg est donc épié en permanence par le FBI. Et pas seulement. Ordre a été donné au service des douanes, par exemple. À chaque passage de la frontière états-unienne, l'actrice et ses bagages sont fouillés systématiquement. Et ce climat incessant de suspicion concourt au dérèglement de son comportement. Et ce n'est pas innocent. Les agents du FBI qui la filent ne se cachent nullement. Bien au contraire. Ouais, tout est fait pour l'inquiéter, quoi. En effet. Par exemple, l'identité des fans qui lui demandent des autographes dans les rues de Los Angeles est vérifiée par des agents fédéraux. Conséquence, la paranoïa de l'actrice s'accentue. Quand elle quitte sa chambre d'hôtel, elle place des repères discrets, cheveux, papier, autocollants, transparents. Afin de constater qu'on a fouillé ses affaires. Eh bien, ses témoins sont systématiquement déplacés ou arrachés. En outre, si sa santé mentale se détériore, son comportement sentimental devient erratique. À la fin décembre 1969, Jean débute un tournage au Mexique. Elle rencontre sur place l'écrivain Carlos Fuentes. Aussitôt, elle se jette dans ses bras. L'écrivain mexicain dira plus tard qu'elle était en permanence angoissée, qu'elle ne dormait pas et passait ses nuits au téléphone avec un inconnu qui l'insultait. Puis, après Fuentes, elle s'entiche d'un jeune révolutionnaire du CRU, Carlos Navarra. Décidément, hein. Et quand elle est de retour à Paris, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte de Navarra. Et bien sûr, elle se confie à Romain Gary. Mais comment réagit-il, hein? Romain Gary est impeccable. Il l'encourage à garder l'enfant. Et comme ils ne sont pas encore divorcés, il lui promet de reconnaître l'enfant. Toutefois, en même temps, sans le savoir, il va concourir au naufrage de Jean. Enfin, n'allons pas trop vite. Le FBI ne relâche pas sa pression. Hoover en personne a décidé que c'était une question de sécurité nationale. Et en avril 1970, le bureau intercepte une conversation entre Jean, qui est à Paris, et Masai Ewitt, un dirigeant des Black Panthers à Los Angeles. Jean lui dit qu'elle est enceinte et ajoute en plaisantant qu'il pourrait ne pas être étranger à sa grossesse. Pour le FBI, c'est une aubaine. Expliquez. Hein. Avec l'autorisation du siège fédéral, la nouvelle va être rendue publique via quelques journalistes amis. Il s'agit de faire croire que le père n'est autre que ce responsable des Panthers. L'objectif étant de nuire à l'image de Seberg auprès du public. Mais le FBI ne doit pas être identifié comme source de l'information. Et ça fonctionne, hein? Oui. Dès le mois de mai 1970, dans la rubrique des potins mondains du Los Angeles Times, on pouvait lire un petit article sur une certaine Miss A, un pseudo transparent qui permet tout de suite d'identifier Seberg. On y annonce que l'actrice attend un enfant dont le père est le ministre de l'éducation des Black Panthers, Masai Ewitt. Le même jour, Hoover aurait transmis à la Maison Blanche un dossier sur les activités politiques de Seberg, où l'actrice était décrite comme une perverse sexuelle enceinte d'un dirigeant noir. Mmh. Et comment réagit Jean alors? Alors que la fausse information est relayée par un autre journal, l'actrice fuit en Espagne. Et au début août, elle tente de se suicider en avalant une boîte de comprimés de Valium. Heureusement, sa secrétaire la retrouve inanimée et donne l'alarme. Elle est sauvée. Et part aussitôt en Suisse pour y être soignée. Mais quelques jours plus tard, Newsweek publie à son tour un article mensonger où cette fois le nom de Seberg est révélé. L'actrice est bouleversée. Dans une conversation téléphonique interceptée à nouveau par le FBI, elle promet d'attaquer le magazine En Justice et de verser les dommages et intérêts aux Black Panthers. Hospitalisée, de plus en plus délirante, Jean accouche 2 mois avant terme d'une petite fille qui ne survivra que quelques heures. Elle sombre alors dans une violente crise de démence, car elle se croit harcelée à la fois par des militants noirs et le FBI. Ouais. En ce qui concerne le FBI, elle ne se trompe pas. Hein. Et Gary, profondément choqué, accuse le FBI d'être responsable de la mort du nourrisson et intente un procès à Newsweek. Il écrit aussi un long papier accusatoire publié dans France Soir. Quant à Jean, elle décide de placer la dépouille de sa petite fille dans un cercueil de verre, afin que tous puissent voir qu'elle était blanche. Il est certain que Seberg est marqué à jamais par cet épisode. La suite le montre. En octobre 70, elle est victime d'une nouvelle crise de démence à Chicago, puis à Paris, rue du Bac. Chez Romain Gary, donc. Hein. Oui, en dépit du fait qu'ils sont officiellement divorcés, l'écrivain continue à veiller sur son ex-épouse qui passe dorénavant son temps à regarder des photos de sa fille. Et heureusement que Gary est là, car Hakim Jamal réapparaît. Quoi, pour lui soutirer à nouveau de l'argent ? Bien sûr. Mais Gary parvient à se débarrasser de l'intrus en lui faisant croire qu'il est sur le point de se faire arrêter, tandis que Jean doit être encore hospitalisée. Enfin, je vais vite. Le couple gagne en justice contre Newsweek. Certes, le juge n'impute pas la mort de la petite fille au magazine, mais il reconnaît qu'il y a eu viol de la vie privée, de façon un peu étonnante. Jean se remarie. Elle épouse le réalisateur Denis Berry. Ouais, c'est le fils du cinéaste John Berry qui a été l'une des victimes du McCarthyisme. Oui, mais ce nouveau mariage est rapidement bancal. Jean n'est pas guérie. Parce qu'elle est inguérissable. Les deux époux vivent donc séparés. Et c'est Gary qui doit prendre en charge Jean. Une situation qu'il supporte de moins en moins. En 1978, elle rencontre un certain Ahmed Hasni, neveu d'un Algérien qui possède une boîte de nuit proche des Champs-Élysées. Mais à nouveau, elle a fait le mauvais choix. L'homme est mythomane. Et s'ils se marient en mai 79, leur mariage ne tarde pas à sombrer, car Hasni devient violent et s'intéresse surtout à son argent. Donc ils se séparent ? Pas vraiment. Il rôde toujours autour d'elle. En août 79, Jean loue un studio rue de Longchamp. Le 18, elle tente de se jeter sous les rails du métro, mais le conducteur du train freine à temps. Quelques jours plus tard, elle se fait prescrire des tranquillisants. Elle va voir au cinéma le film de Costa Gavras, Claire de femme, d'après le roman de Gary. On ne la reverra pas vivante. Ouais. Et c'est donc la découverte de sa voiture. Hein. 10 jours après sa disparition, Jean repose à l'arrière, enveloppée dans une couverture. Apparemment, elle s'est suicidée en avalant des tranquillisants. En témoignent des emballages vides, une bouteille d'eau et une lettre d'adieu adressée à son fils Diego. Mais d'autres détails intriguent. Et quoi ? Le pare-brise est recouvert d'une épaisse couche de poussière et le toit de la voiture est couvert de feuilles mortes. Comme si on avait voulu camoufler l'intérieur du véhicule. En tout cas, 2 jours plus tard, Romain Gary, en présence de son fils Diego, dénoncera la responsabilité du FBI, qu'il accuse d'avoir calomnié l'actrice pour la punir de son militantisme en faveur du mouvement noir. Il juge donc que le FBI a provoqué la dépression de son ex-épouse. Et donc aussi son suicide. Et Gary d'expliquer que par 7 fois, Jean a essayé de mettre fin à ses jours. Et le plus souvent, à chaque anniversaire de la mort de sa petite fille. Y a-t-il une enquête sur la mort de Jean Seberg ? Ah bah forcément, car les policiers ont noté plusieurs points étranges. D'abord, il est surprenant que dans un quartier surveillé où se trouvent de nombreuses ambassades, on n'ait pas remarqué plus tôt la voiture abandonnée. D'autre part, des témoins ont vu plusieurs hommes tourner autour de la petite Renault. Enfin, 2 ou 3 jours avant la découverte du corps, 4 hommes ont semblé s'intéresser au contenu de l'auto. Et parmi eux, l'un très très nerveux dont le signalement correspondrait à celui de Hasni. Hasni devient suspect ? Oui, mais les enquêteurs ne disposent d'aucune preuve contre lui. Au contraire, il fanfaronne en brandissant la dernière ordonnance prescrite à Seberg et il accuse le médecin d'avoir poussé ainsi Jean au suicide. Et l'autopsie alors ? Alors là, elle brouille un peu plus les cartes. On relève presque 8 grammes d'alcool par litre de sang. Le médecin légiste est donc perplexe. Un sujet qui absorbe une telle quantité d'alcool en une seule ingestion tombe dans le coma car l'alcool imprègne les fragiles cellules des centres nerveux. Il ne peut donc absorber de comprimés et a fortiori conduire un véhicule même sur quelques centaines de mètres. D'où cette hypothèse. Seeberg n'a pas pu se rendre seul à sa voiture après avoir ingéré une dose aussi mortelle d'alcool. Il y a donc eu intervention d'une tierce personne. Ça ne signifie pas pour autant qu'elle ait été assassinée, mais seulement que son corps inanimé a été transporté à l'intérieur de la voiture. Mais pourquoi ? C'est ce qui a essayé de déterminer en vain la réouverture de l'enquête à la demande de Romain Gary, exécuteur testamentaire qui voulait des éclaircissements sur deux points. D'abord, la recherche de la cause de la mort. Mais aucun progrès n'a pu être effectué. Et ensuite, sur la personnalité de Hasni, convaincu de vol et d'usage de faux. Appréhendé 3 mois plus tard à Paris, l'Algérien a dû reconnaître avoir dérobé à sa compagne au moins 50 000 francs et avoir vendu frauduleusement des tableaux lui appartenant. En fait, il aurait volé une somme bien plus importante en s'emparant d'une valise contenant la somme de la vente de l'appartement parisien de Jean. Et qu'est-il advenu alors de ce Hasni ? D'abord libéré sous caution en octobre 1980, il a été renvoyé en correctionnel, où il a été condamné par défaut à 2 ans d'emprisonnement en mars 1981. Donc il n'a pas été inquiété pour la mort de Jean Seeberg. Et la suite, vous la connaissez. Au début décembre 1980, Romain Gary, qui avait tenté si longtemps de protéger Jean Seeberg de ses démons intérieurs, s'est suicidé à son tour, chez lui, d'une balle dans la bouche. Il a laissé un message qui disait à peu près ceci. Aucun rapport avec Jean Seeberg. Les fervents du cœur brisé sont priés de s'adresser ailleurs. Ouais, ça ressemble bien à Gary, ça. Oui, fait sans précédent, le FBI a jugé utile de faire son mea culpa. Un porte-parole de l'agence a confirmé dans un communiqué les propos accusatoires de Gary. Oui, c'est vrai, nous l'avons diffamé pour la neutraliser. Cette émission a été réalisée par Michel Biou, mise en musique par Monsieur Djoub et préparée par Rebecca de Nantes, qui vous recommande entre autres cet ouvrage. Oui, je vous suggère un formidable classique à lire ou à relire, Chien blanc, un récit autobiographique de Romain Gary sur sa vie avec Jean Seeberg à Los Angeles. Au cœur du récit, une intrigue, un chien recueilli par le couple s'attaque à tous les noirs qui l'approchent et Gary s'est donné pour mission de rééduquer l'animal. Et avec talent et clairvoyance, l'écrivain fait un portrait au vitriol des États-Unis et donne une photographie extrêmement lucide de la lutte des noirs américains pour leurs droits. C'est donc un livre écrit il y a plus de 40 ans, mais pourtant étonnamment moderne. Et on peut le trouver donc en poche chez Folio. Alors vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr et là vous aurez la liste de tous les livres qui peuvent vous intéresser à ce sujet. À samedi prochain et tout de suite après le flash, comme d'habitude, CO2, mon amour de Denis Chessou.